Est-ce que tu veux aller au cinéma ce week-end? Oui, bonne idée. J'ai envie de voir un film d'action. Oh non, encore! Tu n'aimes pas les films d'action? Si, mais j'ai aussi envie de voir d'autres films. Qu'est-ce que tu veux voir? J'ai envie de voir une comédie romantique. Ah non, je déteste les comédies romantiques. On va voir un dessin animé? D'accord, j'aime bien les dessins animés. Je veux bien.